الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bon, on va débuter directement. Donc on a été encore en retard. قد لا مشى فعل. On devait commencer à 50. خير إن شاء الله. اليوم سنأخذ الحديث السابع والخمسين. 57e حديث. Du kitab et qui est le 17e de ce chapitre. Toujours dans les afkar du sabah et du masa. يقول عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه. Donc là dans ce hadith Abu Mas'ud, à ne pas confondre avec Ibn Mas'ud. Sont deux personnes différentes. Il s'appelle Uqba ibn Amr ibn Tha'laba, alors que Ibn Mas'ud c'est Abdullah. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui récite les deux derniers versets de Sourate al-Baqara lui suffiront pour la nuit. Le hadith muttafaqun ali, ça veut dire rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc ces deux versets, beaucoup les connaissent, d'autres non. وقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت ولا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dans la traduction ce serait que le messager ainsi que les croyants ont cru en ce qui leur a été révélé de leur Seigneur. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et nous ne différencions entre aucun de ces messagers. Ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Et nous te demandons ton pardon. Notre Seigneur, et c'est vers toi qui est l'aboutissement, le devenir. Là. Que Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Elle aura le bien qu'elle aura accompli, tout comme elle subira le mal qu'elle a accompli. Ô notre Seigneur, ne nous reprends pas pour ce que nous avons oublié ou ce pour quoi nous avons fauté, malgré nous. Erreur involontaire. Notre Seigneur, ne nous fais pas supporter une lourde charge comme tu l'as fait supporter à ceux qui étaient avant nous. Rabbana, notre Seigneur, ne nous surcharge pas de ce que nous pouvons supporter. Et pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre allié et notre Seigneur et secours-nous du peuple mécréant. En gros, voilà le sens de ces versets. Ces versets, à la base, ont été révélés lorsque Allah Azawajal, juste avant, il dit لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. Que à Allah appartiennent les cieux et la terre, et que si jamais vous cachez quelque chose ou vous le faites apparaître, que Allah en tiendra compte. Ça veut dire même ce que tu ressens en toi, Allah en tiendra compte. Et de là, cela a fait peur aux Sahaba. Ils ont dit, c'est-à-dire même les choses qu'on pense en nous, on peut en être jugé pour cela. Et de là, ils ont eu peur. Et ensuite, quand ils ont fait la remarque au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, est-ce que vous voulez dire comme on dit les Yahoud avant vous, nous avons entendu et nous avons désobéi. Mais dites plutôt, nous avons entendu et nous avons obéi. Et de là, ces versets ont été révélés par la suite, que le messager ainsi que les croyants ont cru en ce qui leur a été révélé de leur Seigneur. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ça, c'est parmi les piliers de la foi. Et nous ne différencions entre aucun de ces messagers. Ça veut dire que nous, les croyants, on croit en tous les prophètes et tous les messagers, sans distinction. Ceux qui ont été nommés, ceux qui n'ont pas été. Contrairement aux gens du livre qui sont arrêtés chacun aux messagers qui leur ont été envoyés en particulier. Et ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Justement, pas faire comme les autres, les gens du livre, qui lorsqu'ils ont eu des choses qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas supporter, nous avons entendu et nous avons désobéi. Et que le pardon à Allah a été demandé. Et dans le Coran, Allah dit bien, ça c'est une chose importante, que Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui nous est imposé en religion est supportable. Et que chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il a commis. Si c'est le bien, il sera rétribué en bien. Et si c'est en mal, elle sera en mal. Hormis qu'il y a bien sûr quelqu'un qui fait tawbah. Et là, on demande à Allah Azawajal de ne pas nous reprendre pour nos oublis qui peuvent arriver, l'être humain il oublie, ou les bavures, les fautes involontaires. Et on demande à Allah de ne pas nous imposer ce que l'on ne peut supporter. Et ça, c'est une caractéristique qui est importante, que même entre créatures, on doit faire preuve. Et en particulier, les gens qui ont des gens à leur charge, entre autres, tu vas le voir dans les couples, la salaine, les hommes qui font abus de pouvoir et qui surchargent leurs épouses de ce qu'elles ne peuvent supporter. Malheureusement. Ça veut dire qu'ils ont certes l'autorité, mais elles ne sont pas leur propriété. Et cette autorité, quand tu n'as pas la hikma, la sagesse, tu en abuses. L'être humain, il est comme ça, dépasse ses limites. Allah, c'est pour ça qu'il y a dans le Coran, souvent il dit « Wa kana Allahu azizan hakim » que Allah était puissant et sage. Ça veut dire que quelqu'un qui est puissant, souvent il te fait peur. Car la puissance, ça peut amener à quoi ? À de l'abus. Mais il est sage. Sa puissance ne l'amène pas à être injuste. D'ailleurs, Allah azawajal s'est interdit la justice à lui-même. Et nous, on se doit justement de se parer de ces belles caractéristiques qui sont justement la justice et la compassion. Donc les époux, par rapport à cela, doivent être compatissants envers leurs épouses et ne pas abuser d'elles, en fait. C'est tout le sens du terme. Et principalement, ceux qui ont des épouses qui sont, on va dire, de droiture, qui de base écoutent, qui de base obéissent, et malgré cela, l'époux est un éternel insatisfait et il abuse. La femme fait des efforts à son niveau, elle n'est pas parfaite, et tu le vois tout le temps mécontent. C'est jamais comme il veut. Déjà, il faut rappeler à nous les hommes que notre base première, c'est nos mères. Et nos mères sont occupées de nous d'une façon inégalable, pour se dire la vérité. En général, voilà. Donc n'attends pas de ta femme qu'elle soit comme ta mère. Ta mère, elle t'a mis au monde, elle a souffert pour toi. Ta femme, elle a accepté de vivre avec toi. D'accord ? Et une femme et un homme peuvent se séparer. Ta mère, tu ne peux pas t'en séparer. Et donc, le droit de la mère, il est immense. Marié ou pas marié. La mère, tu es obligé de ne pas séparer la mère. Tu n'es pas venu au monde si tu as eu une mère. Alors que tu as des gens qui sont morts célibataires, ou veufs, ou ayant divorcé, mais ta mère, voilà. Même tu as été orphelin, tu as eu une mère. Et quand je dis orphelin, non. Orphelin chalane, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Donc, tu as eu une mère. Mais n'attends pas que ta femme te traite comme tu as traité ta mère. En général. Après, tu as des femmes, machallah, elles sont vraiment. Peut-être tu as des mères qui ont été négligentes et la femme, elle est au top. Mais on reste sur une base générale. N'attends pas que ta femme se tue pour toi comme aurait pu le faire ta mère. Et malheureusement, souvent, des femmes qui sont vraiment dévouées, eh ben, tu vois des époux qui n'arrivent pas à être eux-mêmes reconnaissants par cela, ils abusent de ces femmes-là. La femme, tu la vois, elle s'occupe bien des enfants. T'en as, elles ont été la cause que les enfants ont pris le Coran par cœur, faire des choses bien que l'homme n'aurait pas pu faire. D'accord ? Quand l'homme, il n'est pas là, il part travailler, il est occupé, la femme, elle tient bien les enfants, elle s'occupe d'eux, elle leur apprend tout presque à la maison. Elle s'occupe du foyer, ainsi de suite. Et malgré cela, tu vois, l'homme, il rentre, et il n'est pas content. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ou on devient brutal, violent, violence gratuite. Et ça va à l'encontre de l'enseignement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers les épouses, car il a dit le meilleur entre nous, c'est celui qui est le meilleur avec ses épouses. Donc tout comme on voit que la valeur d'une femme peut apparaître à travers son époux, également, un homme, il sera parmi les meilleurs ou les pires, ça peut apparaître avec son épouse, comment il se comporte avec elle. Faut bien dire, rappelle-toi que cette épouse que tu as, comporte-toi avec elle comme si demain tu avais une fille, tu aimerais trouver ton gendre se comporter avec ta fille. Et souvent ce que tu fais, ça va se répercuter, tu vas le subir. Ça va revenir contre toi. Donc, la femme, dans l'islam, son hal, sa fragilité a déjà été expliquée dans les textes. Donc maintenant, l'homme, il est averti de cela. Il est averti de cela, donc il doit faire en conséquence, agir en conséquence. D'accord ? Si tu as une femme, tu vois, elle fait des efforts considérables. Elle se comporte bien avec toi. Elle te parle bien. Elle s'occupe de toi autant qu'elle peut. Même si c'est pas comme ta maman, d'accord ? Elle toi rendu l'appareil. Et comporte-toi bien avec elle. Sois compatissant dans ses erreurs. Quand t'as faute, pardonne. D'accord ? Ainsi de suite. Et comme on dit, même si dans le hadith c'est venu comme si elle était une captive, elle n'est pas ton esclave. Elle n'est pas notre esclave. On a autorité certes sur elle, mais c'est pas ton esclave. Et que voire même si elle supporte plus la vie avec toi, ça devient insupportable, elle peut se séparer de toi. Elle a le droit. On n'y encourage pas, mais c'est un droit que Allah lui a donné parce qu'elle ne supporte pas. C'est trop dur, le mari est violent, tout le temps il frappe, tout le temps il insulte, tout le temps il crie, tu vois. Ainsi de suite, et ça c'est insupportable pour une femme, de supporter cela. Ainsi de suite. Donc ça, c'est un rappel par rapport à ça, que également les hommes qui ont des femmes, elles sont pudiques. T'as pas une femme qui habille je sais pas comment dans la rue, elle se préserve. Préserve ton foyer, préserve tes biens, elle te respecte. Et malgré cela, tu vois, l'homme, il vient et lui, il est irrespectueux envers elle. Et bien ça, c'est kufr al-ni'ma, également. C'est l'ingratitude dont l'homme peut faire preuve avec son épouse. Il est ingrat. Et on répète souvent les versets qui parlent de cela. Dans le Coran, elle a dit « وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدُّ الْعِقَابِ » Celui qui change un bienfait après que Allah lui ait donné, Allah est dû en châtiment. Et souvent, hein, c'est pareil, hein, les frères qui ont des femmes qui sont précieuses, le jour où ils les perdent, et qu'Allah leur donne une autre, d'un autre niveau, en dessous, là, ils se rendent compte de qui il avait, la valeur de ce qu'il avait, mais c'est trop tard, tu l'as maltraité. Ainsi de suite. Voilà, t'as des femmes, elles supportent des choses, t'as ta hadjab. T'entends des histoires de certaines sœurs, de ce qu'elles subissent de la part de leurs époux, tu dis, subhanallah, comment fait pour supporter ça? Shal'an a le droit de demander le divorce 10 fois. 10 fois. C'est son haq. Et tu la vois, dit non. 1, elle tient son mari malgré tout, elle aime son mari. 2, elle dit, j'ai peur pour me retrouver toute seule, avec les enfants, ainsi de suite. C'est tous ceux qui n'ont pas de wali, qui n'ont personne, tu vois. Et elle dit, elle patiente, tu vois. Tu dis, ah, Akbar. Après, c'est à toi ou à raison, des fois, voilà. C'est à toi ou à raison, mais pour te dire ce que certaines femmes endurent, t'en as pendant des années avec des hommes qui les maltraitent, des années durant. Elles se plaignent pas. Tu vois, elles se plaignent pas. Et ça, ces femmes-là, elles ont un courage, il est incroyable. Et ça, c'est plus dur pour elles que pour l'homme. Donc, par rapport à ça, celui-là qui a une épouse de la sorte, qui se comporte bien avec lui un minimum, elle sera jamais parfaite, hein. Mais elle fait des efforts ou quoi. Eh bien, remercie Allah, parce qu'elles sont rares aujourd'hui. Elles sont rares. Donc, cette rareté, si jamais tu la méprises et que tu la négliges, tu vas la perdre. Et après, crois-moi bien qu'Allah va t'éprouver d'une femme, peut-être, si tu trouves mari, qui va te faire pleurer les larmes de ton corps. Et les machas qu'il a à la maison, c'est pire, hein. Les machas, ils disent souvent au Yémen, un embrouille, on va dire, conjugal, c'est pire que mille ennemis dehors. Quand tu rentres chez toi avec ta femme, t'es pas bien ou quoi, t'es pas bien, du matin au soir, dans ta tête. Des fois, tu peux avoir des problèmes avec des gens, un voisin ou un frère ou quoi, ça part. Mais avec ta femme, il a dit, ça te lâche pas. Donc, crée pas un ennemi à la maison. Te fais pas un ennemi à la maison. Et fais en sorte qu'Allah ne te prouve pas par un ennemi à la maison. Toi aussi, fais les causes pas que ça devienne un ennemi à la maison. Ah ben. Donc là, par rapport à ces versets, on demande à Allah de ses faveurs qu'on ne subisse pas cela. Donc, il nous revient à nous de ne pas le faire subir à autrui. Même avec nos enfants ou d'autres personnes. Hakada. Donc, ces deux versets-là, d'accord, celui qui les récite le soir avant de dormir, le suffiront pour être protégé toute la nuit. Quand même, toute la nuit. Yaqul Fawaid al-Hadith. فضيلة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة اللتين فيهما سبع جمل دعائية لا يدعو بهن مؤمن موقنا إلا استجابه الله له. Donc on y voit le mérite de ces deux versets, deux derniers versets de sourate al-Baqara. Et que ces deux versets contiennent chacun cette phrase qui chacune est une invocation. Demande de pardon, demande d'allègement, demande de grâce, demande de secours, de protection, et ce qui s'ensuit. Il n'y a pas un croyant qui ne demande cela en étant convaincu de la promesse d'Allah Azzawajal, sans qu'Allah ne lui réponde. Thaniyan istirbab qira'atiha kul layla. Et il est recommandé de lire ces deux versets chaque nuit, avant de dormir. Thalithan fadilat surat al-Baqara, fa fiha a'zam aya wa fiha ahatan al-ayatan. Ce qui montre le grand mérite de surat al-Baqara, qui contient le plus grand verset qui soit, c'est-à-dire qui a le plus de mérite, qui est Ayat al-Kursi, et ces deux versets-là, également. Également, avant surat al-Baqara et al-Imran, seront pour toi, elles vont intercéder pour toi, yawm al-Qiyam. Et surat al-Baqara, c'est la plus longue surat du Coran. Et chez les sahabas, ceux qui l'ont appris par cœur, c'était un savant. C'était un alim. Même s'ils ne connaissaient pas le reste. Ils avaient le bakar, parce que eux, quand ils connaissaient le Coran par cœur, c'est pas juste du hifz. Ils savaient ce que ça voulait dire et ils agissaient en conséquence. Il était dit que Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a mis 8 ans pour l'apprendre. Il pouvait l'apprendre s'il voulait en peu de temps, mais il ne faisait pas un verset sans qu'il ne l'applique. Rabi'an, an hatayn al-ayatayn yadfa'ullahu an. Et que celui qui lit ces deux versets-là, Allah Azzawajal, le protège du mal des hommes et des djinns et de toute chose qui peut être nuisible. Maintenant, on va prendre Afkar. Donc là, avec ça, normalement, elle fait partie de Afkar al-Nawm. Pourquoi il ne l'a pas mis avec le reste? J'ai pas compris. Parce que normalement, il va se dire Afkar al-Nawm. Et ça, c'est parmi Afkar al-Nawm. Parce que là, c'est pas le Massa, c'est la nuit. Lui, comme si l'auteur avait voulu les mettre dans Afkar du Massa. Et ce qui est connu, c'est que c'est avant de dormir. Parce qu'il a dit... Fil Layla, la nuit. Et Layla, c'est après le Massa. Donc maintenant, il va citer Afkar al-Nawm. Pareil, Afkar al-Nawm, les Afkar du sommeil avant de dormir, ils sont nombreux. Et là, il va citer les plus importants. Yaqul an-Nabi Hurayra, radiallahu anhu, qala wakkalani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bihif zakat Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahthu min al-ta'am. فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب ذلك أو ذاك الشيطان رواه البخاري. Donc ce hadith est très connu. C'est Abu Huraira. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait chargé de garder, surveiller les zakawat, je crois que c'est zakat al-fitr, de Ramadan. Donc c'était principalement de la nourriture, c'était la nourriture en fait, tout simplement, des dates, principalement des dates. Et qu'un homme est venu le voir, et essayer d'en sautirer une partie, s'en accaparer une partie. Abu Huraira l'a attrapé. D'accord ? Il lui a dit, je vais te ramener au Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que tu veux lui prendre de cela. Il a dit, non, lâche-moi, je suis pauvre, ainsi de suite, j'ai une famille, s'il te plaît, lâche-moi, je ne reviendrai plus. Abu Huraira l'a laissé partir. Elle l'a eu, Rahma, envers lui, l'a laissé partir. Le lendemain, Nabi Sallam l'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui est venu te voir? Elle a dit, si. Un homme, il a fait ci, ça, c'est. Il a dit, il va revenir. Après, Plus tard, une autre nuit, Abu Huraira était encore gardien des Zakawat, Zakat al-Fitr. L'homme est revenu. Abu Huraira a attrapé à nouveau. L'homme a refait, a redit la même chose. Abu Huraira, malgré qu'il était averti, regardez, il a encore eu le rahma pour lui, il l'a laissé partir. Alors que l'ami lui a dit, il va revenir. D'accord ? Il l'a laissé partir. Et le lendemain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a personne qui est venu ? Il a dit, si, il est revenu. Il dit, je t'avais dit qu'il allait revenir, dans le sens. Tu vois ? Et il va revenir encore. Et cette fois, attrape-le, dans le sens, si je ne me trompe pas dans le hadith. Et là, c'est ça le shahid du hadith, c'est qu'il est revenu. Abu Huraira l'a attrapé. Il dit, cette fois, je ne vais pas te laisser partir. Il a dit, écoute, laisse-moi partir, et en échange, je te donne un ilm par lequel tu seras protégé. Il a dit, c'est quoi ? Et c'est là qu'il lui a dit que si jamais tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, que tu auras une protection dans l'Azawajel jusqu'au matin. D'accord ? Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lâché. Il est parti. Et le lendemain, il a vu le Nabi Sarsem. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit telle et telle chose. Dans le sens, est-ce que c'est vrai ? Il l'a dit vrai, mais c'est un menteur. D'accord ? Et c'est un shaitan. Il lui a dit, ce qu'il t'a dit, c'est vrai, mais c'est un menteur. De base, c'est un menteur. Mais là, ce qu'il t'a dit là, il était véridique avec toi. Et c'était un shaitan. Il lui a dit, c'est un shaitan, cet homme-là, qui est venu te voir à chaque fois. Shahid, c'est que la faïda à retenir du hadith principal, le shahid, c'est que Ayat al-Kursi, c'est parmi les afkar comme les noms. C'est une cause de protection pour toute la nuit. D'accord ? Et on a dit également que c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est le verset, le plus grand verset du Coran et qui est dans Surat al-Baqara. Le Kursi, c'est quoi le Kursi dans Ayat al-Kursi ? À la base, Kursi, c'est arche, c'est un trône. Pour de vrai, c'est ça le sens littéraire. Mais qu'est-ce qui évolue par. Marche-pied. Marche-pied, repose-pied. Moudir, Kadami al-Rahman, comme il a dit Ibn Abbas, c'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds. Donc c'est pas l'arche. Quand on a dit que la terre, les sept cieux et la terre sont l'équivalent d'un anneau de fer dans le désert, dans un vaste désert comparé au Kursi. Tellement il est grand. Et que le Kursi par rapport à l'arche est l'équivalent comme un simple anneau de fer jeté dans un désert vaste. Et que l'Azawajel est au-dessus du trône. Donc le Kursi, oui, ça veut dire ça, de base, c'est un trône, c'est un. Mais ce n'est voulu pas là, c'est pas l'arche d'Allah, Azawajel. C'est pas ça. Taïb. Donc là, bon, on raconte le hadith, on a expliqué un petit peu, on a fait un charh de Nijmali par rapport à ça. Donc on va prendre directement les fawaïd du hadith. Et également, Ayat al-Kursi, c'est parmi les askar de quoi ? À quel moment également on a pris un hadith qui cite qu'on peut la réciter ? Après le salawat. Et certains ont mis également Ayat al-Kursi. Les ulama, ils voient que ça peut être parmi les askar du masah ou du sabah. Et les ulama disent ça aussi, tu peux réciter pour le matin ou la fin de journée. Il y a quoi ? Fawaïd al-Hadith. Fadl Ayat al-Kursi wa anna qira'ataha 'inda an-nawm harazun min ash-shayatin. Donc ça montre le mérite de réciter ce verset. Et que celui qui le fait avant de dormir, et à la base, c'est même pas la sieste, c'est le sommeil de nuit, nocturne. Parce qu'il a dit, « La yakrabuka shaitan hatta tusbiha » que aucun shaitan ne va t'approcher jusqu'à ce que tu rentres dans la matinée. Donc c'est pas juste pour ça, c'est le zikra et les khos, parce que tu as des askars qui sont pour le nom, le sommeil de façon générale, ils s'attraient, ils sont propres à la nuit, avant de dormir, dont celui-ci. Donc celui qui récite Ayat al-Kursi, que le shaitan ne l'approchera pas durant la nuit. Thaniyan jawaz al-tawkil fi hifz zakat al-fitr wa tafarruqatiha kaza wa jawaz jam'iha qabla laylat al-fitr wa law qabla waqtiha bi akthar min yawmayn walakin la tukhraj illa fi waqtiha yawm al-eid aw qablahu bi yawm aw yawmayn. Donc là on y voit que il est permis de rassembler les zakawat, le fitr, parce qu'à la base, zakat al-fitr, à quel moment tu la sors ? Avril. Ouais, c'est-à-dire à peu près ? Deux jours. De base. Les hadiths sont venus, c'est à partir du Maghreb jusqu'à avant. Avant. Et bien là, ce hadith-là, ça prouve qu'on peut le garder même quelques jours avant, parce qu'il a dit, ça, c'est pas arrivé en une nuit, ça arrive en plusieurs nuits. D'accord? Donc ça, c'est parmi les preuves que la zakat al-fitr, tu peux la sortir un ou deux jours avant. Pour qu'elle soit entreposée quelque part. Là, c'est le gouverneur qui l'a distribuée par la suite. Il était dit qu'Ibn Omar le faisait également. Il sortait zakat al-fitr, voyez, un ou deux jours avant. ثالثا أن من وكل على حفظ شيء أو تؤمن على مال إنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أو يعطي منه أحدا إلا بإذن صاحب المال. Tout comme celui à qui il était confié de garder une chose, ça veut dire qu'on lui fait confiance, c'est une amana qui est chez lui, il n'a pas le droit de s'en servir ou de donner à quiconque sans la permission du propriétaire. Et tu vois beaucoup de jam'ayat, associations aujourd'hui font ça. Tu leur donnes l'argent pour zakat, oui, ils servent de l'argent. Tu vois, l'argent, il va pas là où tu crois. Dans beaucoup de cas, ils donnent un peu aux gens et le reste, ils gardent pour eux dans leurs intérêts. Faire attention aux associations. Très attention à ça. Et là, c'était pas l'association. Là, c'était le gouverneur. Donc, c'est pas pareil. Rabi'a najjouz tasdiq al-jinn wa shayatin fima yukhbiruna bihi. لأن من شأنهم الكذب ولأنهم عالم الغائب عنها والاستعانة بهم محرمة ووسيلة من وسائل الشرك ولو في المباحات et qui n'est pas permis de croire les djinns et les shayatins de ce dont ils informent, car à la base chez eux c'est le mensonge. Ce sont des créatures, je dis alim, c'est alim, je me suis trompé, j'ai mal lu. Ce sont des créatures du monde invisible. Tu ne sais pas si c'est la vérité ou s'ils sont véridiques ou s'ils mentent. Tu ne peux pas vérifier. Et la base chez eux, chez les djinns, c'est le mal. Plus de mal chez eux que de bien. Donc il n'est pas permis de leur demander de l'aide. Même si c'est un djinn musulman, la tastaïn bi. Car ça, c'est un beb qui t'ouvre, qui t'amène vers le shirk. Chamoukbil, il a une fatwa, il le permet. D'accord ? Cette fatwa-là, c'est un ishtihad de sa part. Et même si tout l'aib, ils ne sont pas d'accord avec lui. Je crois même chez l'islam aussi, il a une fatwa, il le. Tu vois ? Et il ne faut pas prendre non plus le cas avec Suleyman, qui avait des shayatines qui travaillaient pour lui. Ça, c'est Allah Zawajal qui les avait mis sous son contrôle. Ça, c'est propre à Suleyman. Nous, on n'a pas à faire cela. Donc, tu ne sers pas de djinn ou des shayatines, ou même des djinns musulmans, pour quoi que ce soit. Car tu ne sais pas qui il est. Donc, il ne faut pas les croire quand ils parlent. Et aussi, c'est également un rod qui se fait à beaucoup de gens qui font ruqya, qui disent « je parle avec le djinn ». Et qu'est-ce que tu en sais qui dit la vérité ? Tu n'as aucune preuve. Et ça paraît, c'est pas permis les touboukottes shal'iyya dans la ruqya, de parler avec le djinn. Il peut te parler, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Tu n'as aucune preuve de ce qu'il te dit. Aucune preuve. Et toi, tu n'es pas là pour parler avec lui. Tu es là pour, biznillah ta'ala, guérir la personne et tenter de le faire sortir. Biznillah ta'ala. Khamisan an al-kazib kod jazduk fin nazra. Ou nazra, afan. Et que celui qui ment, qui est un menteur, il peut être véridique parfois. C'est rare, mais peut être véridique. Sadisan an ash-shayatin yumkinu ru'yatuhum idha tashakhasu fi suwar al-ashtam mudraka bil-'ayn. Amma idha kanu 'ala suratihim allati khuliqu 'alayha fala tura fala narahum. Et que les shayatin, il est possible de les voir lorsqu'ils sont sous une image humaine. Il y a des shayatin parmi les djinns qui peuvent prendre une forme humaine, même les anges, hein. Comme dans le hadith de qui? Jibril. Donc un malak peut avoir une apparence humaine, si tu en as vu, tu ne le sais pas. Et les shayatines, pareil. Tout comme tu as des shayatines chez les hommes. C'est un homme et c'est un shaytan. C'est l'être humain. Mais c'est un shaytan. T'as même, t'as les shayatines chez les djinns et chez les hommes. Et un djinn peut prendre une apparence humaine. Comme ce fut le cas avec Abu Huraira. Par contre, leur apparence telle qu'ils sont, on ne peut pas les voir comme ça. On ne supporterait pas la vision de voir un djinn tel qu'il est, on ne pourra pas supporter. Sabi'an an al-djinn ya'kuluna min ta'am al-ins. Et ça prouve que le djinn mange la nourriture de l'homme. Surtout quand elle n'a pas dit bismillah. Ouais. Et dans ce hadith, il faut prendre aussi une hikmah que des gens prennent comme ambiguïté. C'est que tu ne vas pas chercher, tu acceptes le haq de n'importe qui, mais tu ne vas pas chercher le haq auprès de n'importe qui. Parce que tu en as, ils disent, ils vont étudier chez les gens de la bid'a ou quoi, ils vont dire, regarde, mais Abu Huraira, il a pris de Shaitan. Tu fais, non. Il n'est pas parti chez Shaitan pour apprendre de lui. Déjà, il ne sait pas qui il était. C'est Shaitan qui est venu le voir et qui lui a donné ça en contrepartie. Et Abu Huraira a vérifié auprès du Nabi. Il n'a pas tout de suite accepté. Donc ça, c'est pas un délit pour aller apprendre chez les gens de l'égarement et dire ouais, mais ils disent la vérité. D'accord. Par contre, si un égaré te dit une vérité, elle est prouvée, tu dois l'accepter de lui. Un kafir te dit une vérité, tu dois l'accepter de lui. Un fajir, même un fasiq, il dit une vérité, tu dis pas ah, j'accepte. Non, tu dois accepter. Donc c'est ça en fait. Tu acceptes la vérité de quiconque, certes, mais tu ne vas pas la chercher auprès de quiconque. Azam. Bien comprendre ce hadith. Taïb, on continue. Attends, okay. On va essayer de finir ce bab, Inch'Allah. Il y a deux hadiths, on va les prendre, bismillah ta'ala. Yaqul, maintenant c'est le 59e hadith du kitab qui est le 19e de ce fasl. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات. Alors, le Bukhari. Donc là, c'est selon Aïcha. Vous voyez encore le mérite d'une femme et qui s'intéresse à la religion. C'est que par sa cause, on a pu voir ce hadith, car c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait dans l'intimité. Et c'est Aïcha qui nous l'a apporté. Que lorsqu'il allait au lit, et elle disait « Kul layla », donc également c'était chaque nuit, il joignait ses deux mains, il crajoutait dedans, d'accord, tu poussillonnes vite fait, et il récitait Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad, et Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et Surat al-Nas. Ensuite, avec ses mains, il essuyait ce qu'il pouvait de son corps. Il commençait par sa tête, puis son visage, puis ce qu'il pouvait de son corps. Par cela. Donc ça, c'est parmi les afkar qabl al-nawm. Et certains ulama voient également que surat al-falaq et surat al-nas sont parmi les afkar du sabah et du masa. Il y a des hadiths qui le citent, après ils divergent est-ce que ces hadiths sont authentiques ou pas. Donc là où maintenant il y a eu une confusion, c'est lorsqu'il dit il faisait cela trois fois. Qu'est-ce qu'il faisait trois fois? T'en as, ils disent, il récitait les trois sourates, puis s'essuyait le corps. Une fois, il recommence, il recite, puis deux fois, il s'essuie le corps. Puis trois fois, voilà. Et d'autres disaient, non, il restait trois fois, puis s'essuyait le corps. D'autres disaient, non, il restait, puis s'essuyait trois fois le corps. Parce que le hadith, il ne précise pas. Donc c'est une divergence qui est large. D'accord. Mais ce qui apparaît comme Allah Alem, c'est qu'il le faisait une fois, il récite, puis il s'essuie, puis il récite, puis il s'essuie, puis il récite, puis il s'essuie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Allah Alem. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ferait différemment, tu peux pas vraiment. On peut le comprendre comme ça également. C'est un wajh du hadith. Et c'est sur ce hadith que certains savants permettent de lire dans une bouteille pour la ruqya. De l'air dans une bouteille, pour qu'ensuite une personne malade en boive, pour savoir guérir. C'est un ijtihad, car à la base, dans la sunna en soi, on n'a pas de hadith qui disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Mais plein de ulama disent, ça a été testé, ça a été vu, ça a été expérimenté, et ils se basent, et disent que ça ressemble à cette façon de faire. Le fait d'humecter les mains, et après de... Voilà. Donc il y a des ulama qui disent que c'est permis, et d'autres qui disent que ce n'est pas sunna de faire cela. Allahu ta'ala. Dans le domaine de la loi, il y a plein de choses, hein, il n'y a pas de dalil à la base. Enfin, attention à ça. Plein de choses que des ruqa ils font, il n'y a pas de preuve. C'est juste qu'on a testé, on a expérimenté. Mais l'expérience et le test peuvent t'emmener à des choses qui peuvent te sortir de la sunna malgré tout. Surtout que ça, c'est tawqifi, c'est basé sur un dalil à la base. Les choses, c'est pas de la tête. Le monde de l'invisible, c'est pas de la tête. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les djinns sont des menteurs. Ils sont des menteurs, les djinns. « Et sachez que ces deux sourates-là, qui sont Al-Falaq et Al-Nas, c'est les Mu'azzatan. Ce sont deux sourates qui sont, qui ont été révélées principalement pour la guérison. Quand tu veux faire Ruqya ou quoi, ça c'est une Ruqya en fait, hein, sans le faire avant de dormir. Tu fais Ruqya toi-même. Et des gens qui perdurent là-dessus de façon régulière ou quoi, fil gharib, ils sont pas atteints de mal occulte. D'accord ? En général, s'ils sont sur une droiture ou quoi, à part si Allah il veut les éprouver, mais c'est une protection. Et des gens qui sont atteints d'un mal occulte peuvent, comme on le dit souvent, on les encourage à faire eux-mêmes les causes, de ne pas aller s'accrocher à un Ruqya ou quoi, et justement pour montrer tellement c'est une chose que Allah Azzawajal nous pousse à faire, c'est que ces sourates-là sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut apprendre par cœur Al-Nas et le Falaq. C'est pas dur. C'est pas comme si on disait que tu apprends le surat al-Baqarah. Oui, c'est long, c'est dur. Ces deux sourates-là, elles sont courtes. Elles sont faciles. C'est-à-dire que les moyens de guérison sont à ta portée en réalité. Tu as un petit effort à faire. Si tu ne les connais pas encore, tu les apprends. Et après, tu les récites sur toi. Et il ne faut pas minimiser de leur fadl. D'accord ? Elles sont une grande cause de guérison. Mais il faut persister. Pas dire ouais j'ai fait une fois ça n'a pas marché, continue. Et même si ça n'a pas abouti, tu penses que ce que tu as fait c'est vain, tu as assez du Coran, tu as fait des asbab, tu as mis un artisab, tu as du âge, même tu n'es pas guéri, tu as une autre compensation qui est la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque lettre du Coran que tu as récité, tu as dit hasanat. Tu as perdu quelque chose? Rien du tout, tu es gagnant à 100%. Juste c'était pas le gain que toi tu voulais avoir. Alors il y a bien cool fawaid al hadith. أن قراءة هذه الصور الثلاث قبل النوم صيانة للإنسان وحفظه له واستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا. Que rester ces deux sourates, ou plutôt après ces trois sourates, avant de dormir, c'est une protection pour la personne et le protéger. Et un refuge de toute chose qui pourrait l'atteindre, toute chose nuisible et détestable qui pourrait l'atteindre. Et aussi sur ce genre de hadillah assez large, des ulama voient la permission de la vaccination. C'est-à-dire le fait de faire une cause à l'avance pour te protéger. Après, la vaccination en soi, il faut la regarder. C'est quoi ce vaccin? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand on parle du procédé de faire une cause médicale qui protège, de prévention, alors que le mal ne t'atteigne. Ça, c'est une chose qui est permise. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens d'aller prendre un vaccin. Les vaccins, il y a plein de trucs, il y a plein de cochonneries dedans, ça fait plus de mal que de bien. Là, c'est autre chose. Là, ça demande un diagnostic des médecins fiables, expérimentés, qui vont te dire celui-là non, celui-là oui, celui-là non, celui-là oui. Ça, c'est autre chose. Sinon, c'est pas, on rentre pas là-dedans de nos têtes. Mais de base, le procédé vaccinal, de prévention, c'est une chose qui est légiférée. D'ailleurs, il y a un autre hadith qui le prouve, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a pris 7 dates à Jawat chaque jour, il est protégé du sihr. C'est quoi que tu fais des causes de prévention avant que ça t'arrive? C'est le procédé de la vaccination. Sauf que le procédé de vaccination en soi, c'est le fait de t'insérer la maladie. Moi, je parle pas de ça, je parle de la protection, prévention à l'avance. D'accord? Après, peut-être c'est un autre mot. Parce que c'est la vaccination, c'est une chose précise. Je crois que les premiers vaccins, c'était ça. Hein. C'était prendre la maladie, l'insérer, comme ça le système immunitaire le reconnaît et le jour où il vient, il peut te défendre, soi-disant. Moi, je parle pas de ça, je parle du fait de faire des causes, d'accord, des causes à l'avance pour prévenir. Comme les nouveau-nés. C'est-à-dire? Parce que lorsque en France, en tout cas, les bébés, ils leur mettent des vaccins obligatoires. Ah oui, non, ça c'est ce truc-là, je suis contre. Je ne dis pas que c'est haram ou quoi, mais je dis aux gens s'ils peuvent l'éviter, qu'ils l'évitent. Après, ce qu'il y a dedans, je ne connais pas, mais voilà quoi. Il y a deux endroits, les enfants, ils naissent sans vaccin, ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Donc ces vaccins-là, ils ne sont pas indispensables, comme il le dit. Ça, c'est que takallufat des koufars, ça. Justement, ils ont tellement peur de tout qu'ils font ce genre de choses. Ils exagèrent. Yaqul fawaid al-hadith. Attends, on était dedans déjà, ouais, non, tayyib. Istirbab kirat hadith suwar et salas, comme le nom, ou ta'awuz biha. Qu'il est recommandé de lire ces trois sourates avant de dormir. Et de chercher refuge par leur biais. Salisa kifiyat قراءتها وان يجمع كفيه وينفث فيهما من ريقه ثم يقرأ هذه السور الثلاثة ثم يمسح بكفيه رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه كل ما يستطيع من جسده يكرر ذلك ثلاثا. Donc comment faire? C'est faut les réciter chacune, d'accord, en joignant les mains, puis crachoter dans les mains, d'accord, puis attends, je recommence, j'ai mal lu. L'auteur dit d'abord tu joins tes mains, tu craches dans tes mains, d'accord, puis tu récites trois sourates, puis tu te tessues ton corps. Tu commences par la tête, le visage, ta poitrine, tes bras, tes jambes, ce que tu peux toucher de ton corps. Et tu fais ça trois fois. Donc lui, il voit que tu joins, tu crachotes, tu lis, tu t'essuies. Tu joins, tu crachotes, tu lis, tu t'essuies. Tu joins, tu crachotes, tu lis, tu t'essuies. C'est ce qu'il voit, lui. Et il dit « Rabi'an fadl hadi suwar thalatha » le mérite de ces trois suwar, ces trois sourates. Et c'est également, c'est facile à faire. À la portée de tous. طيب ونكمل بهذا الحديث كي صار الدانيل سباب بإذن الله تعالى. كفارة المجلس l'expiation d'une assemblée, un ders, un rappel, d'accord, une assise qui a eu lieu pour Allah Azawajal ou quoi ou quoi ou quoi autre, comment on la clôture, par quoi on finit. يكون عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فقط وقت عفوا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خير ختم له تاع على ذلك الخير ومن قال شرا كنا له كفارة سبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك رواه النسائي. Donc Aïcha a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné d'assises ou n'a pas lu de Coran ou n'a pas fait de salat sans qu'il ne clôture cela par des paroles. Donc je lui ai dit, c'est-à-dire moi Aïcha, au messager d'Allah, je te vois à chaque fois, après chaque assise ou après chaque lecture de Coran ou après chaque salat, prononcer ses kalimètes. Il a dit oui, car celui qui dira du bien, j'ai dit quoi tout à l'heure, j'ai même pas si j'ai bien lu. Que si Ami prononce ces paroles-là, elles seront pour lui, elles vont ancrer le bien en lui, du bien qu'il a dit. Ce bien sera scellé en lui. Ce qu'il a dit comme bien, ces paroles-là vont permettre que le bien soit conservé en lui. Celui qui a dit du mal, qui a fauté, qui s'est trompé ou quoi ou quoi, ces paroles-là seront là pour effacer le mal qu'il a prononcé. Et après il a dit c'est quoi ? Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc subhanaka, on a expliqué c'est quoi le tasbih. Quand on dit subhanallah, ça veut dire quoi ? Le tasbih, c'est quoi le sens du tasbih ? C'est trop vague. Le zikr. Oui, c'est du zikr, mais ça veut dire quoi le tasbih en soi? Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Ah, le sens. Oui. Ça veut dire quoi? Gloire à Allah. Gloire et pureté à Allah. Pureté de quoi? Toute chose. Non, c'est pas toute chose. Tu le purifies certes, mais de quoi en particulier? À la base, gloire, là, c'est vrai. Pureté Allah, là, c'est vrai. Mais tasbih en soi, il a un sens plus particulier. C'est le fait de purifier Allah de tout manque, de tout défaut, d'attributs de faiblesse et de ressemblance à sa créature. Donc, oui, c'est une glorification en soi. Mais quand on dit glorifier, c'est large. Quand tu dis Alhamdulillah, c'est une glorification aussi. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est une glorification aussi. Mais elle veut dire quoi en particulier? C'est ça que ça veut dire. Ça, on l'a répété plusieurs fois. وبحمدك et par ta louange لا إله إلا أنت nulle divinité en droit de t'adorer en dehors de toi أستغفرك وأتوب إليك je te demande pardon et je me repens à toi. Donc souvent qu'on finit un ders on prononce cela. Ou une assise entre gens où Allah Azzawajal a été évoqué, on prononce cela. On y voit également que ce zikr, on le prononce quand on lit du Coran. Tu prononces cela quand tu as fini. C'est une chose qu'on oublie beaucoup, moi le premier. Et c'est également, d'après ce hadith, c'est aussi parmi les askar, salawat. Après la salat, tu le dis. Et c'est également ces choses qu'on oublie, on ne le fait pas. Tu vois. Et je vous le dis, moi le premier, par rapport à ça. On fait deux askar, mais celui-ci, je sais que. C'est là, en fait, quand je vous le lis avec vous, c'est un rappel pour moi. C'est un tambih pour moi. Pour dire tant de choses que l'on connaît, qu'on a lu, qu'on a appris, mais qui sont sorties de nos têtes. Alors, c'est seulement tout ce qu'on avait entendu et lu, mémorisé avec nous, oh, subhanallah. Mais voilà. Rabbana la tu'akhizna innasina awta'na. Comme on l'a dit tout à l'heure, oh, notre Seigneur ne nous reprend pas parce que nous avons oublié. On a oublié tellement de choses. Des choses oubliées parce qu'on ne les a pas révisées. Et des choses oubliées parce que notre vie nous a fait oublier. Et les choses oubliées par rapport à nos péchés, parce que les péchés font oublier le ilm, et ainsi de suite. Et les choses qui sont oubliées parce qu'il ne les a pas appliquées. Quand tu n'appliques pas, ça sort de ta tête. Et les choses oubliées parce que tu n'as pas porté attention. Plein de causes qui font oublier. Et l'oubli, justement, Allah Azzawajal, il y a un exemple. C'est une sifa dont il est exemple. Il n'oublie pas, Allah Azzawajal. On a un canard de Bukhanasiya, que ton Seigneur n'oublie pas. Mais l'oubli qu'on attribue à Allah, au cas de l'Ekalio Metunsa, comme ça aujourd'hui, on t'oublie, c'est quel oubli, c'est on te délaisse. Aime avoir une connaissance, puis après que celle-ci se dissipe, ça non. Allah Azzawajal est un exemple, justement. Mais nous, l'être humain, on est exposé à cela matin et soir. Des fois, on dit une chose le matin, une heure après, tu te dis quoi ? Je ne sais même pas ce que tu m'as dit. T'as oublié. T'as dit oublié. Une heure après, même pas une heure avant, peu de temps avant, j'ai dit quoi là ? T'as entendu ? Oui. J'ai dit quoi ? Je dis pas, j'ai oublié. Subhanallah. Ça arrive tellement souvent. La faculté de la mémoire. La mémoire à temps, c'est pas donné à tout le monde. T'as déjà mémorisé, mashallah. Les sahaba, ils mémorisaient, ils entendaient une fois une sourate, tout de suite ils la retenaient. Regarde les hadiths qu'ils ont retenus d'Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ils ont entendu une fois déjà une chose. Ils l'ont retenu. Et au début, Abu Huraira, qui est le plus grand des rapporteurs, d'accord, de hadith, au début, et en fait, il y avait une concurrence entre lui et Abdullah ibn Amr. Et il a dit que Abdullah ibn Amr mémorisait mieux quoi parce que lui il écrivait. Moi j'écrivais pas. Donc après, déjà le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lui a fait un dua. Et après, il s'est mis à écrire et à réviser ce qu'il avait retenu. D'où le fait qu'il est devenu le plus grand rapporteur de hadith dans l'absolu parmi les Sahaba. Il révisait, il écrivait et surtout il l'appliquait. Surtout ça, il l'appliquait. Et il a souffert pour ça. Il a donné beaucoup de temps, il était tout le temps avec le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam au détriment de sa faim. De sa fatigue, d'accord, et Allah Azzawajal l'a élevé. Elle est devenue un imam du hadith pour les musulmans. Et également une marque, un repère de sunna chez les gens. Quelqu'un qui critique Abu Huraira, t'as affaire à un moubtadir tout de suite. Ou alors un ignorant qui ne connaît pas, on lui dit, il répète bêtement ce qu'on lui a dit. Sans quoi quelqu'un qui critique Abu Huraira, tous les sahaba de façon générale, mais surtout lui, parce que lui, il apporte beaucoup de hadiths. Donc les gens de la bid'a, ça les dérange. Surtout les chiites, les rafira, ces gens-là, là. Abu Huraira, c'est parmi les pires pour eux. Il avait été raconté une histoire d'un homme qui. C'était Cheikh Boubilal qui avait raconté cette histoire-là, qui avait un assise entre deux hommes, et que quelqu'un avait cité Abu Huraira. Hadith rapporté par Abu Huraira. Il y avait une personne dans l'assise qui avait entendu Abu Huraira commencer à le critiquer. Commencer à mal parler sur lui, à insulter. Et il a été dit, l'histoire elle est vraie, apparemment, je ne me rappelle plus du fait, qu'il y a un serpent, un immense serpent qui est tombé du toit dans l'assise où il y avait tout le monde, et que ce serpent s'est mis à pourchasser cet homme-là en particulier. Tu vois. Et tout de suite, il a dit, c'est bon, je fais tout parce que j'ai dit, j'ai parlé sans Abu Huraira. Il savait tout de suite ce qui s'est passé. Une fois qu'il a dit ça, le serpent a disparu. Il est parti, il a disparu. Tu vois, l'histoire, elle est vraie. Donc Allah Azzawajal les protège ses serviteurs. Inna Allah yudafi an allazina amanu. Que Allah protège ses serviteurs. Donc le shahid, bon là, c'est pas Bouhaira, c'est Aïcha. D'accord ? Aïcha qui a apporté ce hadith-là. Et elle aussi, elle est parmi les grands apporteurs de hadith, Aïcha. D'où le fait son grand mérite, c'est qu'elle est la femme la plus savante qui soit. Faqiha. Yaqul fawaid al-hadith. Mashlu'iyati qul subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il est permis de dire cela. Après, bat farah min kulli salah, fardan ou naflan. On peut le dire après une salat obligatoire ou surrogatoire. C'est général. C'est-à-dire, c'est même pas que après la salat obligatoire, même après une nafila, tu dis cela. Thaniyan istirbab khatm qira'at al-Qur'an bi'ada dhikr. Qu'il est recommandé de, quand tu as fini de lire le Qur'an, de faire ce dhikr. Thalithan istirbab khatm kull majlisin bi'ada dhikr. لِيَكُونَ مَا حِيَنِّ مَا يَقَعْ فِي هِمْنِ الْغَرَضِ. Qu'il est recommandé de finir toute assise, toute assemblée par ce zikr, car il sera une cause pour effacer toute erreur que tu auras pu prononcer. رَبِعًا فَضِلَتْ هَذَا الذِّكْرِ فِي مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَوَ خَاتِمْ لِعَمَلِهِ فَلَيَتَتَرَّقْ إِلَيْهِ خَلَلْ إِلَيْيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ عَمِلَ سُوءًا يَكُونُ مَا حِيَنِّ لَهُ. Et également parmi les mérites de ce zikr, c'est que celui qui a fait une bonne œuvre, ce zikr sera comme une chose qui va sceller son œuvre. Par contre, celui qui aura mal agi ou mal parlé, cela sera une cause qui va effacer son erreur. Biznillah ta'ala. Wabi hadha, là ça tombe bien parce que hier je voulais prendre 3 hadiths, aujourd'hui 3, aujourd'hui on va en prendre 4, ça a rattrapé. Pas hier, je veux dire vendredi. Et de là, on a fini le bab du zikr. Des Askar, il y en a plein. Hein. Par exemple, l'auteur, il a fait résumer. Il a voulu faire, comme je vous expliquais, 20 hadiths dans chaque bab. Il aurait pu remporter une centaine de hadiths dans le zikr. 20. Déjà, tu arrives à faire ces 20-là, là, c'est un khayr azim. Tu n'es même pas obligé de tout faire. Mais tu arrives à faire ces 20-là, déjà, là, c'est un khayr azim. Jiddan. Non. Taïeb. Donc, tafi bihada. J'ai oublié de préciser que maintenant, les durous, ils vont descendre. À partir de la semaine prochaine, ce sera 19h40. J'avais dit 50, ça va faire trop juste. Là, ça va très très vite. Ça sera plus vers 19h40, Inch'Allah Ta'ala. Si on a les clés à temps pour rentrer à l'heure, t'as pas. T'as même. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.